Il s'agit sans doute de l'un des épisodes les plus échevelés de l'histoire de l'espionnage. L'affaire de la malle aux espions, ou de la malle parlante, comme on l'a appelée plus tard. Monsieur X avait d'ailleurs le sourire quand il m'a proposé d'ouvrir pour moi ce dossier. Mais il m'a aussitôt prévenu, si cette affaire pouvait effectivement faire sourire, il n'en demeurait pas moins qu'elle dissimulait une très importante et très efficace entreprise de pénétration, et qu'elle était une nouvelle et spectaculaire illustration de la lutte féroce que se livraient les services secrets israéliens et égyptiens. Après avoir rencontré M. X, j'ai comme d'habitude compulsé les journaux de l'époque. Voici ce qu'on y lit. 18 novembre 1964, il est 17h50 sur l'aéroport romain de Fiumicino. La nuit va bientôt tomber. Sur la piste numéro 6, des bagagistes chargent les soutes d'un comète de la compagnie égyptienne United Arab Airlines à destination du Caire. Le vol a déjà 2 heures de retard. Les réacteurs commencent à ronfler. Le chargement est achevé. On ferme les portes. Soudain, une camionnette de la compagnie égyptienne pénètre à toute vitesse sur la piste et pile au niveau du comète, sous une aile de l'avion. Deux hommes sautent à terre. Ce sont des fonctionnaires de l'ambassade égyptienne. Ils indiquent aux manutentionnaires qu'ils viennent livrer en urgence une valise diplomatique. En fait valise, il s'agit d'une malle aux dimensions conséquentes, 1,50 m de hauteur, 60 cm de largeur et de profondeur. Conformément à la réglementation internationale, la malle porte des étiquettes et des scellés du ministère égyptien des Affaires étrangères. C'est donc réellement un courrier diplomatique et nulle autorité douanière ou policière ne peut en contrôler son contenu. Les bagagistes italiens entreprennent de décharger la malle du véhicule. Elle est lourde, très lourde. La porte de la soute aux bagages est rouverte. L'un des deux égyptiens de la fourgonnette crie alors de façon véhémente « Non, pas là, dans la soute réservée aux animaux !» Les manutentionnaires, interloqués, s'apprêtent néanmoins à obéir. Mais, alors qu'ils commencent à soulever la malle pour la sortir du véhicule, l'un d'eux croit entendre des gémissements provenant de l'intérieur. L'objet est reposé sur le plancher de la fourgonnette. Les deux diplomates égyptiens semblent de plus en plus nerveux. L'un des manutentionnaires s'écarte et attire l'attention d'un douanier qui vient de contrôler les autres bagages du comète. Le gabelou s'approche de la malle, tend l'oreille. Lui aussi entend des bruits étranges, comme des miaulements. Il apostrophe les deux Égyptiens. « Que transportez-vous là-dedans ?» L'un des diplomates répond précipitamment que la malle contient des instruments de musique. Puis, écartant le douanier, il ordonne au bagagiste de se dépêcher de charger la malle. L'avion doit prendre l'air immédiatement. Mais le douanier ne se laisse pas faire. Il colle à nouveau son oreille contre la paroi de la malle et là, il entend distinctement « À l'aide, assassin !» L'affaire de la malle aux espions commence. Elle va avoir un extraordinaire retentissement. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Vous imaginez que dans les services, nous avons suivi avec une très grande attention cette rocambolesque affaire. Ouais, pour quelle raison? C'était passionnant. Parce que certains des protagonistes étaient loin d'être des inconnus pour nous. Mais je vais trop vite. Hein. Voyons d'abord les faits. Ce douanier perspicace, en tout cas la version officielle, s'oppose donc au chargement de la malle dans la soute de l'avion égyptien. Mais que voulez-vous dire là quand vous parlez de version officielle? Ben, parce que tout ça, c'est du pipeau. Ah bon? Il n'y a pas eu de douanier perspicace? Absolument pas. Pourquoi? Parce que ce douanier savait à l'avance ce que contenait la malle destinée à être chargée dans le Comet. Et il n'a pas eu besoin d'écouter pour interdire le chargement dans la soute. Ah. Vous comprendrez mieux quand vous saurez le fin mot de l'histoire. Mais laissez-moi poursuivre. La malle est donc à moitié sortie de la fourgonnette qui l'a apportée. Soudain, un des diplomates égyptiens se précipite et de toutes ses forces, il repousse la malle à l'intérieur. Puis il se met au volant et démarre. Il fuit. Il traverse les pistes, fonce en direction de Rome. Après un légitime instant de stupeur, le douanier et un autre collègue s'emparent d'une auto stationnée à proximité de l'avion et ils se lancent à la poursuite du diplomate. Une course-poursuite. Exactement, dans le meilleur style des films policiers. Et ça donne quoi? L'auto empruntée par les douaniers est plus rapide, la fourgonnette est rattrapée et doublée à l'entrée de l'autoroute qui conduit à Rome. Queue de poisson, violent coup de frein, le véhicule du fuyard est bloqué. Ouais. Le diplomate est interpellé. Et l'un des douaniers se met au volant de la fourgonnette. Direction le commissariat de police. Ouais, où on va ouvrir enfin la fameuse malle. À noter, ça donne un poids supplémentaire à ce que je vous ai dit, qu'on ne s'embarrasse pas de précautions. À cause du caractère diplomatique de la malle? Bien sûr. Normalement, avant de faire quoi que ce soit, il aurait fallu prévenir les autorités italiennes et aussi l'ambassade égyptienne. Et là, pas du tout. Le commissaire fait immédiatement sauter les scellés diplomatiques, ouvre la malle et découvre un spectacle assez stupéfiant. Ouais, je crois avoir dominé, mais racontez. À l'intérieur, il y a un grand jeune homme, blond, bâillonné et attaché. L'intérieur capitonné de la malle a été judicieusement aménagé. La tête de l'inconnu est placée dans un casque solidaire de la paroi. L'homme est assis sur un petit tabouret fixé à la malle. Ses pieds nus sont enfoncés dans des pantoufles vissées elles-mêmes sur le plancher. Et tout un système de sangles permet de l'attacher solidement afin qu'il ne puisse bouger pendant le transport et se blesser. Donc il est donc parfaitement vivant? Oui, mais il est hébété, somnolent. Manifestement, il a été drogué. Il faut qu'il respire quand même dans cette malle. Oui, mais quatre petits trous pratiqués dans la paroi le lui permettent. Une installation très sophistiquée. Tout à fait. Et l'observation minutieuse de la malle permettra d'établir que l'inconnu n'a pas été le premier passager de ce moyen de transport inédit. Alors cet inconnu-là? Dès qu'il est en état de parler, la police l'interroge. Sur son identité d'abord. Il déclare qu'il s'appelle Joseph Dahan et qu'il est né au Maroc. Il ajoute qu'il a été naturalisé israélien. Mais curieusement, on trouve sur lui un passeport marocain délivré à Damas. Son histoire n'est donc pas très claire. Mais comment explique-t-il qu'il se soit retrouvé dans cette curieuse malle diplomatique? Il dit qu'il était attablé à la terrasse d'un café de Rome, Via Veneto, quand il a aperçu deux fonctionnaires de l'ambassade égyptienne. Deux hommes qu'il connaissait bien parce qu'il leur avait servi d'interprète. Attendez, un Israélien qui aurait travaillé pour les Égyptiens? Oui, bon, je suis d'accord avec vous, c'est étrange. Mais le nommé Dahan poursuit, les deux Égyptiens s'assoient à ses côtés et commandent des consommations. On boit beaucoup. Dahan, sans bien s'en rendre compte, s'enivre. Alors les deux diplomates le conduisent à demi inconscient vers une auto qui les emmène dans une villa à l'écart de Rome. Là, il est drogué et perd connaissance. Quand il se réveille, il est ficelé dans la fameuse malle. Il essaie de se débarrasser de son bâillon et appelle au secours. Allez, qu'est-ce que vous pensez de ce récit? Bon, il en voit un autre, non? Mais il ne répond pas à la question la plus importante. Pourquoi Dahan a-t-il été enlevé? J'imagine que les policiers italiens lui posent la question. Évidemment, et à partir de là, on nage en plein roman. Alors, que dit-il ce Dahan? Il raconte que lors de son travail d'interprète à l'ambassade égyptienne de Rome, il a surpris certains secrets. Mais secrets de quelle nature? Sur des fournitures d'armes et sur l'organisation des services de renseignement égyptiens. Et on l'aurait enlevé afin qu'il ne nie pas ses secrets? Absolument. Autant vous le dire, ça me paraît complètement farfelu. Voilà. Comment un simple interprète aurait pu avoir connaissance de telles informations, surtout un interprète d'origine israélienne? Donc à votre avis, Dahan raconte n'importe quoi? Tout à fait. Et quel est son objectif là? À mon avis, il veut brouiller les pistes. Et surtout obtenir que la police italienne se désintéresse au plus vite de lui. Mais les Italiens sont intrigués et veulent savoir la vérité. Puis il y a ce passeport qu'on a retrouvé sur lui. Un passeport de complaisance, de toute évidence. Et de l'autre côté, là, les Égyptiens, comment réagissent-ils? Ils montent sur leurs grands chevaux. Ils accusent les douaniers italiens d'avoir opéré une substitution de malle. En fait, vous le pensez bien, ils sont surtout embarrassés. Mais leurs deux fonctionnaires impliqués bénéficient de l'immunité diplomatique. Et l'Italie ne peut faire autre chose que de les expulser. Bon, alors on revient au dénommé Dahan. Vous avez raison. Les Italiens sont persuadés que c'est une personnalité d'emprunt.

Un coup de théâtre, a dit M. X, dans un instant son explication. Il est vrai qu'à la suite de la découverte de cette mystérieuse malle, les relations se sont tendues entre l'Italie et l'Égypte. Je lis par exemple dans le Figaro du 19 novembre 1964 ces quelques lignes. L'ambassadeur lui-même, M. Ahmed Naguib Hashim, à la suite d'une très énergique protestation du ministre des Affaires étrangères italien, M. Saragat, qui s'est d'ailleurs réservé le droit de prendre toute décision utile, a déclaré qu'il déplorait très vivement les actes qui sont reprochés aux deux fonctionnaires égyptiens. Violation des règles internationales et grave infraction au code pénal italien. L'ambassadeur a affirmé que la tentative de rapt avait été accomplie à son insu et sans qu'il eût une possibilité quelconque de la connaître. Dans une autre déclaration, ce même ambassadeur égyptien accuse la police italienne d'avoir procédé à une substitution de malle, la vraie malle diplomatique, ne contenant que des objets anodins. Et il affirme que Joseph Dahan est un espion israélien. Retrouvons M. X et le coup de théâtre qu'il nous annonçait. Le coup vient de Jérusalem. Une dépêche officielle révèle que Dahan s'appelle en réalité Mordecai Ben Massouk Louk et que c'est un drôle de citoyen. C'est-à-dire ? Louk, né en 1933 au Maroc espagnol, a émigré en Israël en 1949. Il s'y est marié en 1951, a quatre enfants et a exercé la profession de menuisier. Ouais, jusque-là, rien d'extraordinaire. Attendez la suite. Mordecai effectue normalement son service militaire, mais à son retour de l'armée, il dérape. Il participe à des cambriolages et écope d'une peine de plusieurs mois de prison. À peine libéré, il récidive et est à nouveau condamné. Plus grave, beaucoup plus grave, en 1961, au cours de manœuvres militaires dans la région de Gaza, auxquelles il participe en tant que réserviste, il déserte. Que devient-il là ? Il passe du côté égyptien. Mmh. Gaza, à l'époque, est encore sous contrôle de l'Égypte. Mmh. Mais pourquoi cette désertion ? Louk, en raison de son passé chargé, veut sans doute changer de vie. Et comment est-il accueilli de l'autre côté, là, par les Égyptiens ? Bah, ceux-ci, naturellement, se méfient. Et Louk est envoyé au Caire et confié au service secret. On l'interroge. Mais... Et on le garde longtemps, emprisonné. Mmh. Parce qu'on soupçonne d'être, en fait, un espion israélien. Bien sûr. Mais Louk, après plusieurs tentatives de suicide, donne des gages aux Égyptiens. Des gages, des informations ? Vraisemblablement. Et finalement, les gens des services secrets décident d'incorporer Mordecai Louk. C'est-à-dire d'en faire un homme de leur service. Exactement, car Mordecai a beaucoup de talent, il présente bien, il parle plusieurs langues. Pas mal pour un modeste menuisier. Ouais, je crois que c'est un détail qui vous chiffonne, vous aussi. Bah, normal, non ? Vous avez raison. En tout cas, toujours selon la version israélienne, Louk devient donc un agent égyptien et il est envoyé en Europe. Mais pour effectuer quel genre de mission ? Identifier les agents israéliens et les espionner. Louk, ou plutôt celui qui se fait appeler Dahan, opère d'abord en Allemagne et en Suisse avant de se rendre en Italie. Pourquoi l'Allemagne ? Parce que les Égyptiens se livrent alors à une formidable manœuvre d'enrôlement. Ils recrutent à tour de bras des spécialistes des fusées, des savants qui ont pour la plupart travaillé pour le Troisième Reich. Mmh. Et c'est Louk qui est chargé de ce travail ? Pas tout seul, mais il y participe, oui. En fait, comment les Israéliens ont-ils pu faire le rapport entre Dahan et Mordecai Louk ? Ces empreintes digitales. Les policiers italiens qui voulaient absolument identifier l'inconnu de la malle l'ont envoyé à tout hasard un facsimilé de ses empreintes aux Israéliens. Et ceux-ci ont fouillé dans leurs archives judiciaires. Ah, ça, donc, c'est la version israélienne. Oui. Et elle me paraît, au fond, tout à fait cohérente. C'est juste. Mais il faut quand même expliquer pourquoi les Égyptiens ont enfermé ce type dans cette malle afin de le transporter clandestinement au Caire. Je vous l'ai dit souvent, dans les services, on est facilement paranoïaque. Les Égyptiens ont peut-être fini par nourrir des soupçons sur la fiabilité de Louk. Et ils ont décidé de le rapatrier malgré lui afin de le mettre sur le grill. Oui, d'accord, c'est plausible. J'ajoute que cette version israélienne est corroborée par de nombreux détails. Mais lesquels ? La femme de Louk est retrouvée en Israël. Elle est interviewée dans la presse. Abandonnée avec ses quatre enfants, contrainte de faire des ménages pour subsister, elle affirme qu'elle a trop souffert avec son mauvais sujet de mari. Et elle dit qu'elle n'a qu'un désir, divorcer le plus vite possible, maintenant que Mordecai est retrouvé. Sa belle-mère est encore plus dure. Elle déclare que son gendre ne pensait qu'à boire et à s'amuser. Un joli personnage. Hein. Même ses propres parents le désavouent. Ils disent que Mordecai est le déshonneur de leur famille et qu'ils ne le reconnaissent plus comme leur fils. Mais quel tableau, décidément. Et particulièrement authentique. Hein. Un petit peu trop, peut-être. Ah, que signifie cette réserve ? Dans les services, je vous l'ai dit, on est naturellement méfiant. Et bientôt, un fait va nous alerter. Racontez. Eh bien, la surprise générale, Mordecai Louk, puisqu'on sait maintenant que tel est son vrai nom, demande à regagner Israël. Israël, où, si je comprends bien, on risque quand même de lui demander des comptes. Évidemment. Déserteur, agent égyptien, donc traître, ça risque même de le coûter très très cher. Aurait-il des remords ? Allons donc. Si Luke est le voyou qui a été décrit par les Israéliens, je le vois mal se repentir. Alors, il faut bien trouver une explication. Il n'y en a qu'une seule. Luke a l'assurance de s'en sortir. Ouais, pardonnez-moi, mais moi, je vois au moins une deuxième explication. Je vous écoute. Ouais. Luke peut craindre des représailles des services secrets égyptiens. Et il se dit que le seul endroit au monde où il sera en sécurité, c'est Israël, hein, quitte à passer pas mal d'années en prison. C'est effectivement une explication qui se tient. Alors voyons ce qui se passe. Fin novembre, Luke se prépare à prendre l'avion pour Tel Aviv. Et comme une vedette de cinéma, lunettes noires et élégant complet, il fait une déclaration à la presse avant de monter dans l'appareil. Et que dit-il à la presse ? Il exprime d'abord ses remerciements aux Italiens qui l'ont sauvé, puis il affiche ses regrets. Ses regrets ? Oui, il affirme qu'il s'est mal conduit envers son épouse et ses enfants. Drôle de type, hein, de cinéma. Et ce n'est pas fini. Quand on lui demande s'il ne craint pas d'être traité trop sévèrement en Israël, il déclare qu'il n'a jamais travaillé contre son pays, qu'au contraire, grâce à lui, les services de renseignement égyptiens en Europe vont pouvoir être démantelés. Mmh. Vraiment sûr de lui. Tout hein. à fait. Mmh. Et comment se passe son arrivée en Israël ? Il est promptement escamoté par des agents israéliens. Plus question de parler aux journalistes ou même d'être photographié. Mmh. Les services secrets israéliens veulent donc le débriefer, comme vous dites. Oui, et ensuite c'est la justice qui s'intéresse à lui. Parce qu'il va être jugé, oui. Naturellement. Il a été inculpé d'intelligence avec l'ennemi et en Israël, les choses ne traînent pas. Quelques semaines après son retour, Mordecai Luke comparaît donc devant ses juges. Une nouvelle fois, le traître porte beau. Et surtout, il a l'air absolument paisible. Comme s'il ne craignait pas grand-chose. C'est cela. Il dit même à un chroniqueur judiciaire qu'il va s'en tirer avec une peine de principe. Et effectivement, ce procès va se dérouler de façon étrange. Mais pourquoi étrange ? L'audience est d'abord publique. Le président procède à l'interrogatoire de l'accusé. Puis les premiers témoins sont appelés à la barre. L'un d'eux est un policier. Il déclare tout de go que Luke n'a cessé d'être surveillé par les services israéliens depuis sa désertion jusqu'à son passage au Caire, puis plus tard lors de ses différentes pérégrinations européennes. Alors aussitôt, le président interrompt le témoin et prononce le huis clos. Et pourquoi, selon vous, ce huis clos ? Parce qu'on approchait de beaucoup trop près de la vérité, c'est clair. Je suis loin, mais je n'oublie pas. se crie dans la tête. Je suis loin de toi. Je suis loin, mais je pense à toi. La malprison, si sophistiquée de Mordecai Look, a bien sûr enflammé les imaginations. Ainsi, on peut lire dans le Figaro du 23 novembre 1964 cet article du correspondant romain du journal. À propos de la malle que le chef de la brigade mobile a demandé, dit-on, de faire entrer dans un musée de criminologie dont il désire la création, on dit à Rome, d'après une information israélienne, que le bagage aurait été imaginé et préparé par un ex-officier des SS, l'ex-colonel Helmut Erbinger, passé après la guerre au service de la Ligue arabe. Erbinger se serait servi d'une malle analogue, ou de celle-ci, en 1958 pour transporter en Égypte deux individus accusés de conspirer contre le colonel Nasser. Le système de la malle aurait aussi servi à l'enlèvement d'un savant de l'Allemagne occidentale, le docteur Heinz Krug, qui disparut de Munich en 1962. Mais bientôt avec M. X, on va reparler de ce Krug, un spécialiste des fusées. Autre article au sujet de la malle. Je l'ai trouvé dans France Soir en date du 25 novembre 1964. D'après l'auteur de l'article, Nasser disposerait de deux autres malles du même modèle, l'une à Beyrouth, l'autre à Bonn, en Allemagne de l'Ouest. La malle de Beyrouth servirait à l'enlèvement des adversaires de Nasser au Proche-Orient et celle de Bonn à celui des savants allemands. On verra ce qu'il en était réellement dans la suite du récit de M. X. M. X, que j'ai interrompu au moment où il me parlait de cet étrange procès au cours duquel a comparu Mordecai Look. Le huis clos a donc été prononcé pour camoufler la vérité, c'est bien ça? Oui. Donc on ne voulait pas que les véritables activités de Look soient connues. Exact. Mais pour autant, a-t-il été condamné? Bien sûr, il fallait absolument qu'il le soit. Ah, expliquez. Ça faisait partie du plan. Non, mais soyez plus précis. Look devait assumer son personnage jusqu'au bout. Le procureur a réclamé la prison à vie. Mais Mordecai n'a été condamné qu'à 13 ans de prison. Il n'en fera officiellement que 6. Pas officiellement, oui. Oui, car je suis persuadé que son séjour en prison a dû être particulièrement confortable et qu'il a dû bénéficier de permissions plus souvent qu'à son tour. Mais n'est-ce pas? Il fallait sauver les apparences. Si je comprends bien, Mordecai Look n'était donc pas le voyou et le traître dépeint par les Israéliens. Bien sûr que non. Il jouait un rôle. et ses méfaits, ses cambriolages, sa vie dissipée. Une légende, comme on dit dans le monde du renseignement. Une légende patiemment, subtilement fabriquée par les services israéliens. Dans le but de tromper les Égyptiens. Naturellement. Vous comprenez, pour que la désertion de Look apparaisse crédible, il fallait la justifier, d'où la construction de ce personnage dévoyé sans foi ni loi. Je veux bien vous croire, mais alors, il faut aussi m'expliquer quel était le véritable objectif poursuivi par les Israéliens. Oui, mais avant d'y venir, je dois quand même dire que ce Mordecai Look était un sacré gaillard. Parce que pour donner confiance aux Égyptiens, il en a bavé. Vous voulez parler de la prison, hein ? De la prison et de ses tentatives de suicide. Vous savez, il faut un courage extrême pour simuler un suicide. Parce qu'il faut faire vrai, sans toutefois aller jusqu'au bout. Et quand on se taille les veines, il faut espérer que les gardiens arriveront assez tôt pour vous sauver. Et le risque existe toujours. Et il a fait tout ça dans le but de crédibiliser son personnage. Oui. Hein ? Est-ce qu'on peut raisonnablement suspecter un homme qui en vient à la dernière extrémité ? Bon alors, je répète ma question maintenant. Hein, l'objectif ? Les fusées. Quelle fusée ? Celle dont l'Égypte veut se doter avec l'aide de savants allemands. Depuis longtemps déjà, les services secrets israéliens savent que les Égyptiens cherchent à tout prix à recruter des scientifiques allemands, spécialistes des fusées. Des gens qui ont travaillé avec von Braun pendant la guerre et qui ne sont pas particulièrement philosémites, si vous voyez ce que je veux dire. À peu près, oui. Et cette tentative de recrutement réussit ? Dès le début des années 50, donc avant même le renversement du roi Farouk par Nasser et les siens, le professeur Paul Goerck arrive au Caire. Et qui est-ce, celui-là ? Un expert en électronique, un ancien de Penmoon, de cette usine secrète où von Braun construisait ses V1 et V2 en utilisant la main-d'œuvre des déportés. Goerck se met aussitôt au travail en compagnie d'un autre scientifique allemand, le professeur Rolf Engel. Et ils veulent construire des fusées, hein ? Oui, des fusées destinées à détruire Israël. Est-ce que les Israéliens sont rapidement au courant ? Très vite. Malgré l'état de guerre latente qui existe entre les deux pays, les services israéliens disposent de plusieurs réseaux en Égypte. Et ils ont même réussi à infiltrer les cercles allemands qui se trouvent au Caire. Donc ils sont parfaitement informés. Oui. Et ils savent en particulier que l'atelier de fabrication des fusées se trouve au nord du Caire. C'est la fameuse et mystérieuse usine 333. Mais en 1961, ils apprennent que les Égyptiens veulent redoubler d'efforts et recruter encore plus de savants allemands. 1961, je vous le rappelle, c'est l'année de la prétendue désertion de Mordecai Look. Donc pour vous, il y a un lien de cause à effet. Incontestablement. Les Israéliens sont follement inquiets. Ils sont décidés à mettre un terme à cet enrôlement des spécialistes en fusée allemande. Et il faut faire vite. Le 23 juillet 1962, les dirigeants israéliens ont de véritables sueurs froides. Au cours de la parade commémorant la chute du roi Farouk, l'armée égyptienne présente publiquement deux types de fusées. L'une peut atteindre un objectif situé à 300 km. L'autre peut parcourir 500 km. Le territoire de l'État hébreu se trouve donc désormais sous la menace directe de ces fusées. Mais quel va être le rôle de Mordecai Look ? Look a d'abord été choisi, outre ses qualités personnelles, parce qu'il parle parfaitement l'allemand. Donc, faux déserteur, il est introduit en Égypte. Là, il se débrouille pour intéresser les services secrets égyptiens qui finissent par l'embaucher. C'est déjà très fort. Oui, admettons. Et ensuite Look, qui a un physique très européen, est teint en blond et envoyé en Allemagne et en Suisse. Là, je vous le dis tout de suite, malgré son travail d'agent égyptien, les services israéliens se débrouillent pour garder un contact discret avec lui. Très dangereux. Dangereux, mais indispensable. Car Look doit faire parvenir les informations qu'il recueille sur ses savants nazis ou ex-nazis prêts à aider l'Égypte. Est-ce qu'il va y arriver ? Oui. D'autant qu'il va assez rapidement se trouver au cœur du système. C'est-à-dire ? Il noue des relations avec le docteur Ferdinand Brandner, un ancien officier de la SS. C'est l'un des principaux scientifiques au service du Caire. Il est assisté d'un autre savant, Heinz Krug. En fait, ce dernier est le véritable sergent recruteur en raison de ses contacts avec les instituts et les laboratoires. Ouais. Attendez, avant d'aller plus loin, là, comment expliquer que tant de scientifiques allemands aient accepté d'aller travailler pour les Égyptiens seulement par antisémitisme ? Non. Il faut dire qu'à l'époque, les savants allemands disposent de très peu de crédit. Mais surtout, les alliés de la Deuxième Guerre mondiale ont interdit à la République fédérale de faire des recherches dans le domaine des fusées et du nucléaire militaire. Alors, il est tentant pour ceux qui n'ont pas été débauchés par les Américains, les Russes ou les Français d'aller voir chez les Égyptiens, surtout quand on leur propose des salaires mirifiques. Oui, ça se comprend. Alors maintenant, revenons à Look, son travail. Il est donc en relation au nom des services égyptiens avec ce docteur Brandner. Celui-ci a fondé une société chargée de rassembler des éléments indispensables pour la construction des fusées. Afin de les exporter en Égypte. Bien sûr. Look apprend aussi, grâce aux confidences d'un autre savant, que les fusées égyptiennes ne seront pas chargées avec des explosifs classiques, mais avec des produits bactériologiques ou des déchets radioactifs. Or, au même moment, les services israéliens découvrent que le Caire a effectué plusieurs achats de cobalt en Europe. Des achats qui sont bien supérieurs aux besoins médicaux du pays. La situation pour les Israéliens devient donc de plus en plus inquiétante. Et à la tête du gouvernement israélien, on commence à se faire des cheveux. Qui est alors au pouvoir? Le vieux lion. Ah, Ben-Gourion. Oui. Et que décide-t-il? De passer à l'action. Dans le style des services secrets israéliens? Exactement. En septembre 1962, Heinz Krug, le sergent recruteur, passe une soirée avec un autre scientifique, Klein Wachter, et un Égyptien. Qui? Je ne sais pas. Mais c'est sans doute un agent. Le lendemain, Krug disparaît, on ne le reverra jamais. Seul son auto est retrouvé dans la banlieue de Munich, vide, évidemment. Mais vous savez ce qui lui est arrivé? On a prétendu plus tard qu'il avait été enlevé par les Égyptiens et qu'il avait fait le voyage à bord de la fameuse malle aux espions. Affabulation. En réalité, Heinz Krug a été éliminé par le Mossad. Et Mordecai-Glouc, même s'il n'a pas dû participer physiquement à l'opération, a préparé la liquidation du savant. Peut-être même était-il ce mystérieux Égyptien qui a dîné avec lui la veille. Et vous n'avez pas de preuves, hein, pour... Non. Quelques mois plus tard, c'est l'ami de Krug, ce Klein Wachter, qui est victime d'un attentat dont il se sort miraculeusement. Et encore une fois, Luke... Naturellement, mais tout a une fin. Les Égyptiens commencent à nourrir des soupçons, les Israéliens sont décidément trop bien informés. Il y a une taupe chez eux. Luke est d'abord éloigné de l'Allemagne et envoyé en Italie. Puis les services du Caire ayant acquis la conviction que Luke était un agent double, ils décident de l'envoyer au Caire dans leur malle, afin de pouvoir l'interroger tranquillement. Mais ils ne savent pas que les Israéliens veillent. Ce sont eux, les Israéliens, qui avertissent donc les Italiens? Oui, et ensemble, ils mettent au point ce scénario de la découverte prétendument fortuite de Luke à l'aéroport de Fiumicino. En fait, les dés étaient pipés. Un auteur israélien, Ben Dan, a donné une version assez proche de celle de M. X dans son livre « Poker d'espions à Tel Aviv et au Caire ». Par contre, il ne fait nulle allusion au rôle qu'aurait joué Mordecai Luke dans l'affaire des savants allemands, une affaire minutieusement démontée par un autre auteur israélien, Steve Etan, dans son livre « L'œil de Tel Aviv ». À samedi prochain sur France Inter avec M. X. Thank you.